sur les photos de famille. Ça me fait chier quand on va l'air sortir, de voir que j'ai vieilli. Quelle époque, les années pour McDo, quand on était tous potes. Cette époque où j'avais des abdos et toi une coupe au bol. On allait au ciné pour pouvoir acheter des popcorn. Y avait deux teams, la sucrée et la salée. On saoulait tout le monde à parler fort. Tout le monde voulait sortir avec ma petite flemme. De percer le plastique de mon pas mari. Étudier l'Afrique réduite à des mines. D'acheter un ticket quand je peux frauder. Teaser entre potes puis entendre toquer.